بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Voici frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala la traduction de la parole de Cheikh Abdallah al-Bukhari concernant la prière de Eid al-Fitr de cette année 1441. Et donc, avant de passer à sa parole, en cette nuit du 30 Ramadan 1441, je vous rappelle que les hommes de science disent que la proclamation de la grandeur d'Allah commence au coucher du soleil du dernier jour de Ramadan. Et donc, lors du dernier coucher, une fois que le soleil, que nous avons rompu le jeûne du dernier jour du mois de Ramadan, le temps de la proclamation de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala commence pour la célébration de Eid al-Fitr. Il y a plusieurs façons et plusieurs formules de le faire. L'une, rapportée par certains compagnons, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Il y a d'autres formules qui ont été rapportées de nos pieux prédécesseurs, radouanullah alayhim. Et malgré, frère en Allah, Azza wa Jal, et sœur en Allah, subhanahu wa ta'ala, et malgré que nous soyons confinés, il nous est recommandé de faire ce qu'on fait d'habitude. Et la sunna qu'on accomplit d'habitude durant le Eid. Ainsi, on fait un lavage rituel comme le faisait Salaf, radouanullah alayhim. Salaf, il faisait un lavage rituel pour les deux fêtes. Et on met aussi nos beaux vêtements et on se parfume, nous, nos enfants. Et comme c'est la célébration de Eid al-Fitr, on mange quelques dattes, on nombre impair et on glorifie et on proclame la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala à voix haute. Une fois que le soleil est bien levé, une vingtaine de minutes après ce qui est annoncé sur le calendrier, ou là si on le voit bien à l'œil, bien levé, il est bien sorti, il s'est levé dans le ciel un peu, on accomplit la prière comme on doit l'accomplir derrière l'imam. On la ramène telle qu'elle. Une prière qui s'accomplit avec cette proclamation de grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette fois Allahu Akbar, et dans la première rak'at, et cinq dans la deuxième rak'at. Et ceci pour un hadith de Amr ibn Shu'aib, qui rapporte que le hadith de Amr ibn Shu'aib, an abi, an jaddi, qala Nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam, al takbiru fil fitr, sab'un fil oula, wa khamsun fil akhira, wa al qira'atu ba'dahuma. كلتيهما خرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري صحيحه. Donc ce hadith de Amr ibn Shu'aib qui le rapporte de son père puis de son grand-père, où le prophète alayhi salatu salam a dit pour la prière de la célébration de la rupture du jeûne, on prononce sept fois le takbir dans la première unité de prière, dans la première rak'at, et cinq fois dans la deuxième. Et on récitera du Coran par la suite dans chacune des unités de prière. Donc cette prière, il s'accomplit comment? D'abord, on commence par Takbirat al-Ihram, Allahu Akbar. Et on fait le Deha de l'ouverture de la prière qu'on fait d'habitude. Et après, on fait six Takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et après, on cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous protéger de Shaitan.